Chapitre deuxième. Seule, assise dans l'embrasure d'une fenêtre, Ludmie de Helt promenait son regard sur les bois épais s'étendant autour du château de Felsenthal. Ce manoir féodal, aux profondes assises enfoncées dans le roc, flanqué de six tours qui se dessinaient sveltes et imposantes à la fois dans le bleu du ciel, respirait quelque chose de mélancolique qui excluait cependant toute idée de tristesse. Une impression de calme, plutôt, de détachement des misères et des passions terrestres, s'emparait de vous à l'aspect de cette relique du passé sur laquelle l'action des siècles n'avait pas laissé de traces. Le paysage formait un cadre merveilleux à l'antique demeure. De sombres forêts de pins égayées par la perspective d'une rivière torrentueuse, se heurtant dans sa course rapide à l'escarpement des talus revêtus de mousse et de bruyères roses. Au loin, des collines ondoyantes, semées çà et là de gigantesques pierres erratiques. Plus loin encore, des cimes couvertes de neiges éternelles, estompant à l'horizon leurs courbes molles et harmonieuses. Un ensemble grandiose et imposant, un séjour que tous pouvaient aimer, mais qui devait convenir surtout aux désabusés de ce monde, à ceux qui, meurtris dans le combat, se réfugient dans les régions inaccessibles aux mesquines ambitions d'un jour. On comprenait que le vieux ministre eût recherché le silence de ces épaisses murailles tapissées de lierre, à travers lesquelles les bruits du dehors ne pénétraient pas, mais qu'une jeune fille palpitante de vie aimât l'isolement de ce lieu sauvage, ce n'était explicable que pour ceux qui connaissaient la comtesse Ludmie. Et le nombre en était bien petit. Qui donc pouvait se vanter de la connaître? Jusqu'ici, une affection unique avait rempli les 20 années de sa jeune existence, l'affection exclusive et jalouse d'un père. Oh, lui, sans doute, il l'avait bien connue, bien aimée. Lorsqu'elle était revenue près de lui, il avait senti, en la voyant, qu'elle serait l'adoucissement de toutes ses peines. Elle avait 15 ans alors, une grande fillette maigre, souple, un peu gauche encore, mais déjà si belle sous l'auréole de ses cheveux foncés, si captivante avec ses yeux bleus profonds, sa bouche ardente et fine, son épanouissement de jeunesse heureuse, et comme le moral répondait bien au physique. Le père avait souri de la lettre que lui écrivait la pieuse supérieure en lui remettant l'enfant confié à ses soins. Une nature généreuse, éminemment douée, mais qu'il importait de surveiller et de contenir. Trop d'imagination, trop d'élan, et avec cela, une volonté de faire. Par contre, il est vrai, un grand fond de droiture, une franchise à toute épreuve, mais au résumé, une réunion de qualité trop brillante pour n'être pas dangereuse. « Je regrette, ajoutait la sainte fille, que Ludmie soit appelée sitôt à quitter notre asile béni, qu'elle soit exposée si prématurément aux orages et aux séductions du monde. Quelques années de discipline religieuse n'eussent pas été inutiles pour calmer l'effervescence de ce caractère bon et loyal, mais trop indépendant et trop absolu. Le père avait souri, car il savait que longtemps encore, Ludmie vivrait à l'abri des tentations mondaines, et ce serait pour lui une tâche douce et consolante de former cet enfant, de cultiver son esprit tout en prémunissant son cœur. Il voulait en faire une femme, une vraie, pas une de ces poupées telles qu'il en avait tant connues à la cour, toutes sur le même modèle, comme si elles sortaient de la même fabrique, bien attifées, bien pomponnées, correctes dans leur manière comme de leur mise, au courant des moindres règles d'une étiquette rigoureuse, mais sans une idée, sans une aspiration en dehors de leur cercle étroit. Non. Avec la grâce de Dieu, sa fille ne ressemblerait pas à ces marionnettes au cœur sec et au cerveau vide. Et à mesure qu'il l'observait, qu'il apprenait à connaître tout ce que cette organisation contenait de trésors, sa tendresse paternelle se doublait d'une immense fierté. Pendant 4 années, les dernières de sa vie, il s'était renfermé avec elle à Felsenthal, se faisant son guide et son ami, oubliant presque ses déboires politiques, en suivant jour par jour la réalisation de l'idéal qu'il avait rêvé. Que cet idéal, toutefois, ne fût pas celui qu'une mère prudente eût conçu pour sa fille, c'est ce dont le vieillard ne se rendait pas compte. Ludmie joignait à son admirable beauté une intelligence virile, une âme altière et pure. Le père pouvait s'enorgueillir d'elle à juste titre. Et pourtant, les écueils signalés par l'expérience de la religieuse, avait-il su les éviter? Ludmie entrera-t-elle dans la vie, sachant les périls qui l'attendaient, suffisamment armée pour s'en défendre? À 20 ans comme à 15, c'était une créature toute d'imagination et d'élan. Sa volonté, que rien ne contrariait, demeurait inassouplie, son caractère indépendant et absolu. Le comte, loin de corriger ses dispositions, s'était plu inconsciemment à les développer. D'une part, en philosophe épris de beauté morale, il lui avait ouvert les portes d'un monde supérieur, l'initiant aux conceptions sublimes ignorées du vulgaire, lui faisant entrevoir une perfection que notre faible humanité ne peut atteindre. Puis, à côté de ce monde si au-dessus de la réalité, il lui montrait un autre, celui au milieu duquel il avait vécu. Mais alors, à son insu, il chargeait le tableau, il en exagérait les laideurs. Dans ses longues causeries sur le passé, malgré tout il aimait à y revenir, il se laissait aller à des sévérités injustes. Il formulait des jugements amers, et ainsi il éveillait dans cette âme impressionnable des défiances excessives. Il déposait en elle des germes de haine. Ludmie l'écoutait avec avidité, prenant ardemment parti pour lui dans la lutte ingrate qu'il avait livrée, et livrée en vain. Entraînée par son culte filial, elle s'indignait contre les adversaires de son père, contre le prince Ewald surtout, le plus acharné de tous, ce prince libérâtre qui sapait le trône qu'il avait devoir de défendre, qui partout et toujours agissait en ennemi des siens et du royaume. Mais la reine, la courageuse reine, si fidèle à ses amitiés, comme elle la plaignait, comme elle souffrait de la savoir entourée de pièges, seule en face d'une situation sans issue. Et ainsi, dans ce cœur d'enfant se succédaient mille impressions violentes de colère et de dévouement, mais où la colère avait le plus de part. Elle eût voulu venger ce père qu'elle adorait, cette reine qu'elle aimait sans la connaître. En dehors de ces deux êtres, tout ne lui semblait que trahison et mensonge. Plus tard, lorsque pleurant et perdue au chevet de son père agonisant, elle avait vu Christiane s'agenouiller à ses côtés et mêler ses larmes aux siennes. Son admiration pour la reine était devenue un attachement passionné. Celle-ci avait serré l'orpheline dans ses bras, lui promettant de ne pas l'abandonner, de veiller sur son avenir. Maintenant, en exécution de cette promesse, elle appelait Ludmie auprès d'elle. « J'ai respecté l'année de votre deuil, lui écrivait-elle, mais aujourd'hui je vous demande de venir, et je vous le demande moins pour vous que pour moi-même. J'ai senti, en vous voyant, que je trouverais chez la fille l'affection dévouée et éclairée que me prodiguait le père. Toutes deux n'avions-nous pas pour lui la même tendresse filiale? Une commune douleur a rapproché nos âmes, votre place est à mes côtés. » Ludmie allait obéir à cet appel. La reine avait parlé, et à sa voix, la jeune fille surmontait l'effroi que lui inspirait la cour, faisait taire les regrets poignants qu'elle éprouvait à s'éloigner du vieux château, renfermant tous ses souvenirs heureux et malheureux. Que serait ce grand inconnu qu'elle allait affronter? C'était là le problème que son regard poursuivait à travers les pâles rayons d'un soleil de mars, qui éclairait de sa lumière mourante les crêtes neigeuses et le ruban moiré de la rivière. Ludmie partait le lendemain. Encore quelques heures, il n'aurait plus sous les yeux ce poétique tableau qui lui semblait faire partie d'elle-même, tant ses moindres beautés lui étaient familières. Elle avait rêvé de passer là ses jours, à jamais ignorante des choses extérieures, et voilà que brusquement, elle se voyait arrachée à sa solitude, transplantée dans ce monde mauvais dont elle haïssait d'instinct la perversité. Était-il étrange qu'à la veille d'un changement aussi redoutable, elle fût agitée de noirs pressentiments? L'horloge de la chapelle, placée à peu de distance, sonnait 5 heures. Ludmie s'éveilla de sa rêverie et se leva. « Une fois encore, » murmura-t-elle. D'un mouvement machinal, elle ramena sur sa tête la mantille de dentelle qui recouvrait ses épaules. Puis, lentement, elle traversa le grand salon, s'arrêtant à tout pas, comme si elle eût voulu graver dans sa mémoire la physionomie de chaque objet. Elle aimait la solennité de cette vaste pièce, avec son plafond à poutrelles peint aux armes des Held, sa haute cheminée Henri II, ses tentures de cuir de cordoue éclairées par des portraits d'ancêtres. C'était ici qu'elle se tenait de préférence, qu'elle demeurait penchée sur ses livres en répétant au piano les hymnes qu'elle chantait le dimanche aux offices. Tout cela était fini. Demain, à 7 heures, elle serait loin de Felsenthal. Demain, elle abordait une vie nouvelle. Interrompant à regret sa contemplation muette, Ludmie passa dans la salle d'armes qui faisait suite au salon et gagna la porte de sortie. Un escalier taillé dans le roc conduisait à une cour carrée à l'extrémité de laquelle s'élevait une petite chapelle d'architecture romane. Dans la crypte de cette chapelle, le comte de Held dormait de son dernier sommeil. Les lueurs du soleil couchant répandaient une pâle clarté sur le sarcophage qui occupait le fond de la crypte. Se détachant sur le noir du marbre, une inscription en lettres d'or rappelait, à la suite des dates de la naissance et de la mort, les titres et dignités dont l'homme d'État avait été revêtu pendant sa longue carrière. Au pied du monument, sur un coussin de velours, les plaques et grands cordons des divers ordres européens brillaient à travers le voile de crêpe qui les recouvrait. Au-dessus se dressait la croix, une croix de bois du haut de laquelle se penchait une blême figure de Christ. Et ce simple rapprochement, cet anéantissement de la gloire humaine sous le regard du divin crucifié, offrait je ne sais quelle saisissante grandeur qui eût fait naître un sentiment d'émotion croyante au cœur des plus incrédules. Ludmie s'agenouilla devant le sarcophage. À la voir ainsi dans ses longs vêtements de deuil qu'elle portait pour la dernière fois, demain, une étiquette impitoyable les lui interdirait. Immobile, la tête légèrement rejetée en arrière, on se serait cru en face d'une de ces belles figures ascétiques de la primitive Église, une de ces vierges qui, vivant à une époque où on savait croire, où on savait aimer, oubliait tout pour se noyer dans les saintes extases à l'ombre du sanctuaire. Elle pria longtemps, invoquant avec une confiance naïve le Père qui n'était plus là pour l'écouter, lui exposant ses terreurs, lui demandant force et courage. Il n'était plus là, sans doute, il ne pouvait lui répondre, et pourtant, lorsqu'elle eut déposé sur le marbre un long baiser d'adieu, elle sentit qu'en abandonnant ce cercueil, elle y laissait la meilleure partie de son âme. Sortant de la chapelle, la jeune fille prit une direction opposée au château et, s'engageant dans un sentier bordé d'aubépines en fleurs, parvint en quelques minutes devant une petite maison grise dont la façade disparaissait sous un tapis de plantes grimpantes. Au rez-de-chaussée, à une fenêtre encadrée de glycines, on apercevait le visage amaigri d'une fillette de 14 à 15 ans. Ludmie lui fit signe de loin. « C'est moi, Rita, » dit-elle en s'avançant. « Tu es donc toute seule aujourd'hui ?»« Toute seule, mademoiselle, » répondit l'enfant avec un sourire triste. « Cela m'arrive souvent, il le faut bien. Mon oncle est allé à la paroisse pour dire un mot à monsieur le curé. Mais il est parti depuis longtemps déjà, il ne tardera pas à revenir. » Ludmie passa sous le porche de pierre qui accédait à la maison et entra dans la pièce, moitié salle à manger, moitié bibliothèque, où était la petite. Celle-ci fit un mouvement pour se lever de son fauteuil et retomba avec un gémissement. « Ah » soupira-t-elle. « C'est toujours la même chose. Je ne me rappelle jamais que je ne puis pas. » Ludmie s'approcha d'elle et, la soulevant, l'embrassa à plusieurs reprises. « Il ne faut pas te décourager, ma chérie. À ton âge, songe donc, tu as tant d'années devant toi pour guérir. »« Ou pour souffrir, » dit Rita en cachant sa figure émaciée sur l'épaule de Ludmie. « Voilà 3 ans et demi que je ne bouge plus, depuis ma première communion. » Tous les jours, on me dit que cela ira mieux, que je marcherai dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 semaines, que sais-je. Et les semaines, les mois, les années passent, et je ne marche pas. Je crois bien que je ne marcherai plus. Elle se tut un moment. « Mais j'ai tort de me plaindre, » reprit-elle. « C'est Dieu qu'il veut ainsi. Il sait ce qui est bon pour moi. » Elle releva la tête avec un sourire d'angélique résignation. « Je vous remercie tant d'être venue, mademoiselle. Vous resterez un peu, n'est-ce pas? Vous attendrez mon oncle? Je viens vous voir tous les deux, dit Ludmi en prenant une chaise et s'asseyant près de la petite paralysée. Je viens, Rita, pour vous faire mes adieux. Demain, je pars pour la résidence. Demain? Déjà demain? S'écria l'enfant consterné. Je savais que vous deviez partir, mais je croyais, j'espérais que ce serait plus tard, beaucoup plus tard. Demain, déjà demain. Un sanglot gonfla sa poitrine. D'un geste caressant, elle saisit les mains de la jeune comtesse et les embrassa longuement. Cela te fait de la peine, chérie, dit Ludmi émue. Je vais donc te manquer, ma pauvre mignonne. Ah, mademoiselle, le bon Dieu, vous et mon oncle, n'est-ce pas tout ce que j'aime? Quand vous ne serez plus là, quand, de la fenêtre, je ne pourrai plus regarder dans le sentier en me disant que vous allez venir, oh! Alors, voyez-vous, les journées seront bien longues, bien tristes. Je ne sais pas comment j'arriverai jusqu'au bout. Elle baissa les yeux, et deux larmes roulèrent sur ses joues creuses. Ne pleure pas, dit Ludmi. Crois-tu que moi aussi je n'ai pas de chagrin? Beaucoup de chagrin de m'éloigner d'ici. Oui, mais vous, mademoiselle, ce n'est pas la même chose. Vous allez à la cour, vous verrez de belles fêtes, et vous serez avec la reine qui est si bonne. D'ailleurs, tout le monde là-bas sera bon pour vous, tout le monde. Les lèvres de la jeune comtesse se contractèrent. Tu parles d'un monde que tu ne connais pas, ma pauvre chérie. Tu lui prêtes les qualités de ta généreuse petite nature. Eh bien moi, il me fait peur, au contraire. Ce que j'en sais est si vilain, si effrayant. J'eusse voulu ne jamais m'y mêler. On dit bien que les hommes sont méchants, fit la petite, qu'ils cherchent à se faire du mal, qu'ils se haïssent les uns les autres, et pourtant, je ne comprends pas, moi. Ce doit être si difficile de haïr quelqu'un, quelqu'un que le bon Dieu a créé. À ce moment, un bruit de pas se fit entendre dehors et la porte s'ouvrit. Mon oncle, dit Rita. Un prêtre, à la physionomie fine, dont l'expression austère était tempérée par un air de grande douceur, entra dans la salle. Il pouvait avoir 50 ans, mais les soucis de son ministère, ou, selon les mieux informés, les épreuves d'un passé sur lequel il évitait soigneusement de revenir, l'avaient prématurément vieilli. Ce qu'étaient ces épreuves, personne ne le savait au juste. Le seul qui eut reçu ses confidences, le comte de Held, en avait emporté le secret dans la tombe. On racontait seulement que cet humble prêtre, qui depuis 20 ans exerçait les modestes fonctions d'aumônier de la chapelle de Felsenthal, avait été autrefois porteur d'un nom sonore, héritier d'une fortune immense. On parlait tout bas des écarts d'une orageuse jeunesse, de prodigalités folles dans lesquelles des millions auraient été engloutis, d'une passion violente et contrariée aboutissant à un scandale et finalement à une vocation religieuse. Tout cela s'était murmuré dans le pays lors de son arrivée. À l'heure actuelle, on n'y pensait plus guère. Le nom de l'abbé Reichardt, le seul sous lequel il fut connu, était révéré de tous. Les pauvres l'aimaient autant pour la générosité inépuisable qui soulageait leurs souffrances matérielles que pour les adoucissements qu'il prodiguait à leurs souffrances morales. Et à voir de quelle main délicate il sondait les plaies secrètes de leurs âmes, avec quelle habileté il savait appliquer leurs remèdes, on devinait que cet homme avait dû puiser dans une douloureuse expérience personnelle le secret de consoler ses semblables. Pendant bien des années, il avait vécu seul dans la maisonnette grise, oublié de tous, ne recevant aucune communication de sa famille ou de ses amis d'autrefois. Puis un jour, une lettre bordée de noir lui apprenait la mort de sa sœur, victime d'un mariage imprudent et qui restait veuve et sans ressources, venait de mourir à son tour. Elle laissait derrière elle une frêle petite fille d'une 10aine d'années. Cette fillette, elle la confiait en mourant à la charité de son frère. Le prêtre avait recueilli l'orpheline et une tendresse profonde unissait aujourd'hui ces deux êtres également sevrés de toute affection humaine. Rita était arrivée pâle et chétive à Felsenthal. L'oncle comptait sur l'air pur des montagnes pour fortifier ce petit corps anémié, mais le mal, loin de disparaître, s'était accru. Les médecins appelés en consultation avaient prononcé de grands mots, démontrer scientifiquement les causes et les effets de la maladie, mais le régime prescrit par eux était demeuré sans résultat. Peu à peu, la faiblesse augmentant, la paralysie avait gagné les membres et depuis bien des mois, Rita ne quittait plus son fauteuil. Elle ne se plaignait pas. Sous cette enveloppe débile, battait un cœur héroïque. Elle souffrait sans illusion, sachant qu'elle traverserait la vie sans en connaître autre chose que les sacrifices. Ludmie s'était soulevée en voyant entrer Lavira Eschart. Celui-ci vint à elle, le front soucieux. « J'étais au château en revenant du presbytère, » dit-il. « Est-ce donc vrai, mon enfant, que vous nous quittez demain ?»« J'espérais un plus long délai, » répondit Ludmie. « Mais la reine me fait écrire de hâter mon départ. Je dois l'accompagner au Sommerschloss, où la cour va passer les fêtes de Pâques. » « Voilà l'esclavage qui commence, » dit le prêtre en souriant, puis sur un ton plus sérieux. « Et ce genre de vie, si différent de celui que vous avez mené jusqu'à présent, ne vous effraie pas, Ludmie ?» Les yeux de la jeune fille se voilèrent. « Il ne m'appartenait pas de le refuser, » dit-elle. « Mon père avait décidé pour moi. C'est à lui que j'obéis en obéissant à la reine. Mais si vous saviez, si vous pouviez savoir les mortelles appréhensions qui me hantent, peut-être, me conseilleriez-vous de reculer à la dernière heure, de ne pas tenter une épreuve dans laquelle je me sens vaincu d'avance ?»« N'exagérons rien, » dit le prêtre. « Plus que tout autre, j'aurai le devoir de vous mettre en garde contre les dangers et les difficultés qui vous attendent. Mais je ne voudrais ni grossir ces dangers, ni vous présenter ces difficultés comme insurmontables. Le monde, mon enfant, vaut mieux parfois que sa réputation. Bien souvent, en effet, il n'est que ce que nous le faisons nous-mêmes. Apportez-lui des intentions droites. Regardez de haut ses imperfections. Soyez indulgente à ses misères, et vous serez étonné de voir à quel point il vous rendra justice et vous saura gré d'être meilleur que lui. Vous parlez avec la charité de l'apôtre, mon père. La mienne, malheureusement, est plus défiante. Il n'y a qu'une charité, Ludmie, celle dont l'imitation nous dit qu'aucun lien ne l'embarrasse, qu'aucune crainte ne la trouble, mais qu'elle s'élève toujours comme une flamme ardente et s'ouvre un passage sûr à travers les obstacles. Vous me pardonnerez, cher fils, ce ton d'autorité. Je vous connais depuis votre enfance. Je sais ce qu'il y a en vous de puissance pour le bien. Je mesure toute l'étendue de l'influence que vous pouvez exercer et je vous dis, marchez sur la route que Dieu vous a tracée. Marchez-y d'un pied ferme, prudemment, mais sans y évoquer de fantômes. Et si l'avenir vous apporte des déceptions, si vous avez besoin d'un conseil ou d'un dévouement, voudrez-vous, Ludmie, vous retourner vers celui que votre père daignait traiter en ami, et qui a versé lui-même assez de larmes pour que Dieu lui accorde la consolation de sécher les larmes des autres. L'émotion croissante du prêtre avait gagné la jeune fille. « Je vous remercie, » dit-elle. « De loin comme de près, vous resterez mon guide. C'est à votre direction que je me confierai. » Plus tard, ajouta-t-elle avec un geste mélancolique, « si le combat a été trop rude, c'est ici que je me réfugierai. C'est près de vous, mon père, que je viendrai retrouver la paix et la sérénité perdues. Vous reviendrez, mon enfant, vous reviendrez, non pas, j'espère, pour chercher un refuge, mais pour nous apporter le spectacle de votre bonheur. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Mes prières vous accompagneront partout. » Ludmie se leva. « J'emporte votre promesse, » dit-elle en lui tendant les deux mains qu'il serra avec force. Elle a raffermi mon courage. Encore une fois, merci. Elle s'inclina vers Rita, qui se suspendait à son cou. « Vous ne nous quittez pas pour toujours, n'est-ce pas, mademoiselle ? Je vous reverrai avant... » Ludmille l'arrêta d'une caresse. « Tu me reverras, ma chérie, et je te retrouverai si grande, si robuste, que je ne reconnaîtrai plus ma petite Rita. » L'enfant secoua la tête. « Non, pas cela, » dit-elle simplement. « Mais Dieu me permettra de vous revoir. Je vous aime tant. » « Qui donc, là-bas, vous aime plus que je ne vous aime ?» L'obscurité du soir enveloppait Ludmie tandis qu'elle remontait le sentier bordé d'aubépines. D'âcres parfums se dégageaient de fleurs sauvages, les insectes bourdonnaient sous la feuillée, les clochers des troupeaux retentissaient dans la campagne, et au milieu de ces bruits confus, Ludmie croyait entendre encore les plaintifs accents de la petite infirme. « Revenez-nous, personne ne vous aimera autant que je vous aime. »